Voici votre bulletin régional. Assemblée générale du club de patinage artistique de Istinguis, le 20 mai à 19h30, au pavillon des sports, 186 rue Saint-François.